Chapitre 12e, la couronne d'épines et la légende de Jésus mendiant. Bien souvent, Robert, qui contait des histoires à Suzanne, lui disait « Heureux comme un roi, heureuse comme une reine ». Suzanne au Coquelicot n'en croyait pas moins que le bonheur était là où était une couronne royale. Aussi, au bout d'un an, quand l'heure fut venue, elle souhaita d'être la reine et que son ami Robert fût le roi, même le roi et la reine d'un pays lointain. Elle ne croyait pas que ce souhait-là pût réussir. Mais il n'y a, ici-bas, que l'impossible qui se réalise. Voilà donc Robert Lévigne-Dieu et Suzanne au Coquelicot, avec une couronne sur la tête, non pas la douce et odorante couronne de rose et de bluet, mais la lourde et rude couronne, qu'elle soit d'or ou de diamant. Suzanne au Coquelicot passa 2 heures à sa toilette au milieu de 20 femmes, dames d'honneur et dames d'atour, qui se disputaient sa personne, et qui toutes voulaient lui prouver qu'elle n'était jolie et spirituelle que grâce à leur adresse et à leur esprit. À force de vouloir l'embellir, on la fit moins belle. Elle traînait une robe à queue qui cachait son joli pied et qui lui coupait la taille sans miséricorde. Elle avait les bras surchargés de chaînes d'or et de pierres précieuses. Elle, qui sentait toujours le thym et la rosée, elle est tout imprégnée de senteurs aiguës, merveille de la chimie, qui lui montait à la tête et l'étourdissait. Elle demandait toujours à voir son ami Robert, mais son ami Robert présidait son conseil des ministres. Elle se consolait en embrassant son petit frère, qui était métamorphosé en page et qui faisait des niches aux dames de la cour. Suzanne eut peur de mourir d'ennui. Enfin, ce fut l'heure de sa réception. On vint lui faire la cour de tous les bouts de son royaume. Ce fut une querelle assourdissante de gens qui n'avaient rien à faire et qui n'avaient rien à dire et qui, en conséquence, s'agitaient et parlaient beaucoup. Il lui fallait répondre et sourire à tout le monde, accorder ou promettre des grâces à ceux-là qui n'ont besoin de rien, et ne rien faire pour ceux-là qui ont besoin de tout, mais qui ne sont pas reçus à la cour. Enfin, vers les 6 heures, pendant qu'elle était à sa 6e toilette, son ami Robert vint la voir, mais il eut à peine le temps de lui baiser la main du bout des lèvres, car c'était l'heure du dîner. On dîna, en fastueuse compagnie, sans gaieté et sans charme, loin l'un de l'autre. Obligé de dire ce qu'on ne pensait pas, obligé d'écouter ce qu'on ne voulait pas entendre. C'était un supplice, et ce n'était pas le premier de la journée, ni le dernier. Le soir, nouvelle réception, avec des bruits de guerre et d'émeutes. On dansa, mais on dansa sur un volcan. Suzanne au Coquelicot comprit bien vite que nul n'était content dans son royaume, pas même la reine. « Ah ! » s'écriait-elle, en se couchant dans un beau lit, ayant pour dais une couronne d'or, et pour rideau, du velours violet doublé de satin azur, pourquoi ne suis-je pas à me coucher dans mon lit rustique qui sent les genêts? Mais il était trop tard pour rentrer chez elle. Elle eut beau chausser la pantoufle, l'heure des féeries avait sonné. Il lui fallut se résigner à son sort pendant 1 an. Nous ne peindrons jamais toutes ses inquiétudes, tous ses chagrins, toutes ses angoisses pendant cette année où elle porta sur son front la couronne de reine, je voulais dire la couronne d'épines. Elle eut à subir 3 ou 4 révoltes d'un peuple affamé et impitoyable. Elle fut forcée de vendre ses parures pour faire la guerre. Elle tremble à toute heure pour les jours de Robert, car dans un royaume, on se figure toujours que quand le roi est assassiné ou chassé, le peuple n'a plus qu'à se croiser les bras pour gagner son pain. Heureusement que Suzanne, dans ses tristesses dorées, se consolait en s'appuyant sur le cœur du prince. Mais le prince n'était pas tous les jours à la fête. Il reçut un jour un coup d'épée d'un de ses sujets parce qu'il avait rendu un édit contre les ivrognes, mais grâce à la fée, il n'en mourut pas. Suzanne aimait les contes et les fabliaux. Elle encourageait les poètes. Elle chantait divinement cette légende qu'un trouvère lui avait apprise, Jésus mendiant. J'ai bu sa vie en pauvre et demande l'aumône au sein d'un riche au cœur d'acier. Beau Seigneur qui vivait comme un roi sur son trône, donnez-moi quelques pains grossiers. Avec votre besace, allez dans mon étable. La paresse ici n'entre pas. Donnez-moi seulement les miettes de la table, pendant que vos chiens sont là-bas. Mes chiens, ne sais-tu point qu'ils m'apportent des lièvres, des bécasses et des lapins? Toi, tu n'apportes rien, pas même les genièvres, qui font chauffer mon four à pain. Et Jésus s'en allait, quand il vit une femme, qui venait d'une ruche à miel. Elle avait la beauté qu'a renvoyée son âme, dans ses yeux bleus couleur du ciel. Mon pauvre homme, venez sous mes noires solives, par la porte où siffle le jet. Je n'ai rien que du miel, des raisins, des olives, mais je donne tout ce que j'ai. Jésus suivit la femme et répandit sur elle l'auréole de sa splendeur. Rayon de paradis et de vie immortelle, et cette femme avec candeur. Mon pauvre homme, dit-elle, est-ce déjà la lune qui répand sur moi sa clarté? Ô femme, entre vos sœurs, en connaissez-vous une qui se nomme la charité? Elle s'agenouilla pour baiser les sandales du Dieu qui se transfigurait, mais Jésus, la voyant s'abîmer sur les dalles, lui montra le ciel qui s'ouvrait. Mon Dieu, je monte au ciel sans traverser la tombe, et j'ai la clé du paradis. Et là-bas, ton voisin avec tout son or tombe, dans l'enfer où sont les maudits. Mais quand il aura soif, je prendrai le ciboire, où mon amour est jaillissant. Je mourrai sur la croix pour lui donner à boire jusqu'à mes larmes et mon sang. Cette légende rappelait à Suzanne sa petite maison de la montagne et le marronnier béni où Jésus s'était reposé. Aussi daigna-t-elle de sa main toute royale présenter la coupe consacrée au trou vert.